où les gens gueulaient justement que le mec annonçait encore un guichet fermé alors que bon, on n'est pas les seuls. Mais de toute façon, maintenant, avec les systèmes, de remise en vente des places quand tu peux aller au match, il n'y aura plus jamais de. Il y aura toujours finalement des places. Bah non, potentiellement. Tu parles de chez nous uniquement. Non, mais partout, même si en fait. Non, à Angers, il n'y aura pas de guichet fermé. Non, mais je veux dire, c'est que si. Oh, mais là où il y a où. Si jusqu'à un quart d'heure du match, et ben moi, en cliquant sur mon téléphone, je peux remettre ma place en jeu. Et ben en fait, le guichet est tout le temps ouvert finalement. Ah oui. Donc la notion de guichet fermé. Non, mais toi, t'es abonné. Ça n'existe plus. T'es abonné. Oui. Bah, ta place, sur les 17 matchs, ils considèrent que t'es là. C'est ça, non, mais en fait, moi, ça n'a plus vraiment de sens vu que. Tu me dis que t'es pas là aux 17 matchs si, de la saison. Non, mais si par exemple, un match de merde, on est 5000 abonnés à remettre notre place en vente. Ouais. Et que. Ça fait 5000 billets en plus disponibles. Voilà. Mais okay. Ça sort complètement. Donc le guichet fermé n'a pas de sens. Ça, il y a des gens qui disent d'ailleurs que les gens qui sifflent et compagnie, ils feraient mieux de rendre leur abonnement parce qu'eux, ils aimeraient bien avoir un abonnement. Tu parles de Koba. Entre autres. Et là, je rappelle, ce que je vous dis. Mais moi, quand j'y vais pas, je leur mets pas en vente et je lèche ma carte en pensant à tous les gens qui souffrent. Alors, que tu lèches cette année, du coup, vu qu'il n'y a plus de carte? Non, j'ai laissé sa carte à tout le monde. Ah ouais, j'ai filé à Marc les 5 balles ou les 10 balles de plus. 10 balles, 10 balles de plus. Mais j'en ai rien. 10 balles la carte. Écoutez, j'en ai rien à foutre. Et comme ça, je peux lécher. Et on vit qu'une fois une saison avec Liam Rosenior. Exactement. Exactement. On avait dit la même chose avec Patoche. Ouais. Bah, ça a été qu'une fois. Ça a été qu'une fois. Bon, mais voilà. Allez, bah, et sur tout ça, il y a une application, il faut redémarrer Windows 11 pour avoir une nouvelle apparence et de nouvelles fonctionnalités. Donc, du coup, on est obligé de vous laisser. Ah, bah, déjà, ok. Voilà, choisissez une heure ou redémarrer tous les soirs. On est à 1h27 d'émission. Ouais, ça me semble pas mal. Après, un nouveau style un peu calme et posé. Ouais, c'est ça. Chill. Voilà. Chiles. Oh, juste une question Chiles. Une question Chiles, bah, ça tombe bien. Bah, au Dodorf, évidemment. Ouais, bien sûr, posée par Rostroi, notre meilleur auditeur, qui dit, c'est même pas une question, il le dit, il affirme, la Légion d'honneur n'a jamais été donnée à Chiles. Voilà. Ça se trouve, c'est pas vrai du tout. Et donc voilà. Allez Racing. Allez Racing. Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing. Radio